Chapitre 11. La tabatière de Monsieur de Sartine. Avant même d'avoir reconnu le vicomte de Saint-Pierre, j'avais éprouvé à sa vue une impression presque douloureuse, tant l'effort que je faisais pour commander à ma mémoire était intense. Dès que j'eus mis son nom sur son visage, toute mon émotion tomba. Il ne m'étonna pas beaucoup que l'apôtre Saint-Pierre, si vraiment c'était lui, car je l'avais vu seulement comme un éclair, ne manifesta pas un vif empressement à renouveler ma connaissance. Je revins à mon cercle, dont j'examinais les figures. C'était curieux, mais c'était triste. Il y avait là de grands savoirs et de beaux esprits. J'affirme qu'un paquet de pensionnaires et d'écoliers n'aurait pas trahi un empressement plus enfantin pour voir ma corde. Le médaillon fut trouvé fort beau. 20 jolies mains résolument indiscrètes se tendirent pour me l'emprunter. Je ne me laissais pas séduire et je déclarais qu'on n'y pouvait toucher que des yeux. Au moment où mon doigt pressait le bouton, un recueillement se fit et, parmi les charmantes païennes qui m'étouffaient, il y eut juste 15 signes de croix furtifs. Elles étaient esprits forts, mais elles portaient reliques. La grosse philosophe qui tenait en ordre le ménage de l'abbé contrôleur général insultait Dieu tant qu'on le voulait et cousait des versets de vêpres dans les doublures de ses jupes. La bague de chanvre! Ce fut un cri contenu, plein d'onction et de piété. Je ne dirai même pas les marchés qui me furent proposés tout bas, séance tenante. La foule grossissait. Il y eut un grand soupir de regret quand je fermai mon médaillon pour le remettre à sa place. Hey, « Hé, vous osez sortir le soir avec cela ?» demanda Madame de Fitz-James, qui avait de brusques démanchements de main. « Je ne suis pas une voleuse, » murmura Madame d'Aumont. « Mais si je vous trouvais endormi, chevalier, et les autres ?»« Chevalier, venez au jeu et voyons s'il y a quelqu'un d'assez brave pour vous tenir tête. » J'allais au jeu. En vérité, je ne craignis pas de tuer ma poule aux œufs d'or. Il me semblait que j'étais à l'abri de toutes mes aventures quelconques. Ce n'était pas de la foi que j'avais, c'était cette insouciance absolue qui fait les trois quarts de toutes les réussites. Je laissais tomber quelques louis sur le tapis vert. Je gagnais et je m'éloignais au milieu de mon triomphe constaté. En passant d'un salon dans un autre, je crus voir pour la seconde fois le vicomte de Saint-Pierre qui se faufilait dans les groupes. Nous n'avons pas oublié qu'il se disait parent du ministre et que ce dernier l'avait plus d'une fois couvert de sa protection dans de fort vilaines affaires. Quelqu'un venait de quitter le vicomte. Ce quelqu'un me salua légèrement en passant et je reconnus avec étonnement le vieux maréchal de Richelieu qui me dit « Chevalier, vous me devez toujours ma revanche. » « À vos ordres, monsieur le duc, tous les jours, à toute heure. » Il m'adressa un signe de tête protecteur et passa. « Monsieur de Kéramour, je crois, » dit une voix grave derrière moi. Je connaissais parfaitement de vue monsieur le lieutenant général de police et ce ne fut pas sans surprise que je me vis accosté par un personnage si considérable. Je saluai avec respect. « Bonne noblesse du pays de l'Orient !» reprit Monsieur de Sartines. « N'essayez pas de savoir qui je suis, c'est inutile. » En parlant, il m'entraînait tout doucement vers une embrasure. C'était un magistrat d'une habileté proverbiale et très fort à la hauteur de ses importantes fonctions. Mais si quelques-uns parmi mes lecteurs me regardent comme un peu fou à cause de ma bague, nous étions à deux de jeu, Monsieur de Sartines et moi, il aurait même pu me rendre des points. Il n'en convenait pas, mais il croyait avoir le don de se transformer à l'aide de certains artifices de toilette et surtout en changeant de coiffure. On disait de lui qu'il avait la perruque de Gigès. « Monsieur de Kéramour, me dit-il quand nous fûmes seuls, croire à la réalité de certains phénomènes juxtanaturels est imprudent. Les nier, c'est parfois faire preuve d'une méprisable ignorance. Voulez-vous me confier un instant votre anneau dans ma main ? Je n'en abuserai pas, je vous le promets. » Très volontiers, répondis-je sans hésiter. Il parut content et me remercia du regard pendant que j'atteignais de nouveau mon médaillon. Je l'ouvris, j'y pris la bague et je la déposai dans le creux de main. À l'aide d'un monocle assez puissant, qu'il portait suspendu à un large ruban de soie noire, il examina l'objet attentivement, mais sans cesser de parler. « Les médaillons d'or rehaussés de brillants, monsieur le chevalier, fit-il observer, sont les plus mauvaises de toutes les armoires. Tel qui n'aurait pas envie de voler le contenu est affriolé par le contenant. Je regarde volontiers à droite et à gauche ce qui borde ma route. Je vous ai vu jouer, tenter la fortune avec une remarquable loyauté. Je dirais même avec une maladresse que j'ai prise longtemps pour affecter. Cependant, vous gagnez toujours. » « Toujours, répétai-je. Avez-vous l'idée de ce que je puis être, monsieur de Kéramour ?»« Un joueur. » Le mouvement de tête qu'il m'adressa était une véritable caresse. Il avait de ses gratitudes envers ceux qui respectaient son incognito. Il me demanda encore. « Vous est-il arrivé de perdre quelquefois ?»« Une fois. »« Ah ! » fit-il vivement. Je continuai. C'était contre le pauvre marquis de... Mais pourquoi dire son nom ? Je voulais perdre. Il s'inclina en signe de bienveillante approbation. « Et quelqu'un a-t-il jamais refusé de jouer contre vous ?»« Personne. »« Cela pourra venir, » dit-il en retournant ma bague dans sa main pour l'examiner de l'autre côté. Je fus piqué. « Je parie avec vous, » dis-je, « que je trouve ici même et à l'instant à faire ma partie de 100 000 écus. » Il me rendit mon anneau de cet air doux et discret qui remet les gens trop familiers à leur place. Mais il n'était pas fâché contre moi, car il tira de sa poche un écrin plat, un peu plus large qu'une tabatière, et il pesa sur le bouton lentement. « J'ai fréquenté autrefois, » reprit-il, « avec infiniment de plaisir, car c'est un homme aimable, monsieur le comte de Saint-Germain, qui est maintenant à Londres, observateur d'État pour deux cours du Nord. Il m'a dit souvent être âgé de 1700 et quelques années. » Je ne sais pas ce dont il se sert. La regrettée Madame de Pompadour se servait d'un œuf de coq. C'est Monsieur le Duc d'Orléans qui le possède à l'heure qu'il est. Monsieur de Flamarens avait une pierre de lune. J'ai rarement rencontré un homme plus favorisé par le sort. Si fait pourtant, Milord Grosvenor, qui avait comme vous de la corde de pendu. Il ajouta, en ouvrant enfin sa boîte, « Car c'est de corde de pendu que je me sers. J'en ai un jeu probablement unique au monde, et je suis un des hommes les plus malchanceux de l'univers. Expliquez cela, monsieur de Kéramour. » Il me tendit son écrin, qui était de forme carrée et portait 9 petites cases sur chaque côté, comme une table de multiplication, ce qui donnait juste la place où mettre 81 échantillons. C'est à peine s'il y avait une 12 cassettes vides. Je ne me souviens pas d'avoir éprouvé en ma vie un plus impérieux besoin de rire aux éclats. Si j'avais ri, j'étais perdu, car monsieur de Sartine devait avoir, bien peu d'heures après cette scène, mon existence même entre ses mains. Heureusement, je gardais mon grand sérieux et je me mis à examiner sa collection de brins de chanvre avec une attention qui ne le cédait en rien à la sienne. « J'en attends 5 d'Angleterre, » reprit-il, « et le garde du bois de Vincennes m'a promis le nœud même de son premier pendu. Je ne crois absolument pas à tout cela, bien vous pensez. Et vous ? Moi, j'y crois dur comme fer, » m'écriai-je. Pour le coup, il me serra la main. « C'est peut-être là le joint, » fit-il d'un air pensif. « La foi. » « Vous êtes un charmant jeune homme, monsieur le chevalier, et je suis fort à votre service. » Il s'éloigna de son pas grave et presque majestueux. J'allais le suivre quand je me sentis retenu par la manche de mon habit. Je ne me doutais pas qu'il y eût quelqu'un près de moi, et pourtant mon nouvel interlocuteur n'était pas de ceux qui se dissimulent aisément dans un pli de draperie. C'était un magnifique cavalier, portant l'uniforme de la maison du Dauphin, Il me sembla tout d'abord que j'avais vu déjà cette belle tête de penseur juchée sur un corps d'athlète. « Eh bien, chevalier !» me dit-il d'une voix sonore et franche, qui éveilla aussi en moi un vague souvenir. « Je suis heureux de vous trouver tout à fait rétabli. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, vous aviez autre chose en tête que de jouer 300 000 francs au pharaon ou au passe-dix. Vous étiez aux écoutes, à ce qu'il paraît ? » m'écriai-je. « Mais à cela ne tienne, aidez un peu ma mémoire. J'ai une idée que vous ne me voulez point de mal. En vérité, je ne sais pas trop qu'en dire. Si je vous avais laissé glisser à tous les diables là-bas, au signe de la croix de Laval... » Je l'interrompis par une chaude poignée de main. « Morbleu, fis-je, vous êtes l'abbé Olivier de Raguenel, mon médecin qui venait à Paris pour être juge ou chevau léger du roi. Souffrez que je vous remercie, votre potion fit bonnement miracle. « Chevalier, me dit-il, vous eûtes d'autres soins meilleurs que les miens. Et puis, quel docteur peut se flatter d'être pour quelque chose dans la guérison d'un gaillard comme vous qui a le diable dans sa poche ? Venons au fait, je suis ici pour vous. » Et j'ai certaine hâte de savoir si nous allons être tous deux une paire d'amis, ou bien si, en sortant d'ici, nous nous couperons la gorge sous un réverbère.